Les aventures d'un apprenti parisien, le tour du monde en hydroaéroplane. Un inventeur de 12 ans, écrit par Arnoux Galopin, lu par Armen pour audiocité.net. Chapitre 1er, un cri dans la nuit. Maman, maman! Et cet appel angoissé qui part d'un coin d'ombre se perd dans la nuit. Le froid est vif. La neige tombe sans interruption et les papillons blancs qui tournoient sous la bise recouvrent peu à peu d'un suaire glacé la petite forme noire immobile sous un porche et dont la pauvre voix tremblante continue à pousser le même cri de détresse. « Maman, maman !» Les passants sont rares à cette heure sur le boulevard Bessières. Seules quelques silhouettes lointaines font par instant leur apparition, puis se perdent le long des maisons aux grandes façades obscures. Sur le talus des fortifications, une fine poussière blanche s'émiette au souffle rauque du vent et forme dans la luminosité pâle de cette nuit d'hiver comme une buée diaphane qui atténue et noie tous les objets. Et la petite voix, qui tremble de plus en plus, continue à répéter avec un indéfinissable accent de souffrance. « Maman, maman !» « Oh, que j'ai froid !» Tout à coup, quelqu'un s'est arrêté. C'est un enfant, un jeune garçon d'une douzaine d'années, vêtu de la cotte bleue des apprentis et dont la tête et les épaules sont enfouies sous une pèlerine de laine noire. Il écoute un moment, cherchant à distinguer quelque chose dans les ténèbres. Puis, résolument, il s'approche d'une grande bâtisse grise, une usine abandonnée, sur le pignon de laquelle un écriteau décelé par le vent bat à chaque seconde avec un grincement sinistre. C'est de là qu'est parti l'appel, il en est sûr. D'autres éprouveraient sans doute quelque méfiance à s'aventurer ainsi dans cet endroit désert. Ce cri d'angoisse, cette plainte déchirante, ne cache-t-elle pas un piège ? On a vu souvent des malfaiteurs se servir d'enfants comme appât afin d'apitoyer les passants. Mais Francis, c'est le nom de notre jeune apprenti, ne se laisse pas gagner par la peur. Un être humain est là qui souffre, qui appelle à l'aide. Son devoir est de le secourir. Et il avance sous la neige, à demi aveuglé par les mouches blanches qui lui cinglent le visage, lui piquent atrocement les yeux et le forcent parfois à s'arrêter. La voix s'est de nouveau fait entendre et Francis, d'un bond, s'est porté dans la direction d'où elle vient. Alors il aperçoit un être minuscule, une pauvre petite chose toute menue, toute chétive, sur laquelle les furtifs éclairs d'un bec de gaz mettent par instant des taches lumineuses. Une figure pâle dans laquelle brillent deux grands yeux noirs effarés se tourne vers lui, suppliante, et Francis comprend ces mots à peine perceptibles dans l'entrechoquement des dents qui claquent de froid. « Monsieur, ayez pitié, secourez-moi, je crois que je vais mourir. » Francis se sent tout ému, il a tressailli à la vue de cette épave humaine échouée là, misérable, navrante, perdue au milieu de la grande ville, comme au sein d'un océan implacable. « Viens avec moi, » dit-il d'une voix qu'il s'efforce d'adoucir. Brusquement, du coin d'ombre, une petite silhouette s'est dressée, celle d'une gamine d'environ 5 ans, si gracile, si fluette qu'il semble que le vent, qui redouble de violence, va la briser aussitôt. D'un mouvement instinctif, Francis a enlevé sa pèlerine et l'a jetée sur les épaules de la petite abandonnée. « Oh, merci, monsieur !» murmure l'enfant. « Vous êtes bon, vous !» L'apprenti tout songeur a pris la main de sa protégée qui l'emmène à grands pas sous la rafale qui redouble. Bientôt, ils atteignent une rue étroite, éclairée par les reflets qui viennent des boutiques, et Francis peut alors examiner la gamine qui l'a sauvée. Elle est vêtue d'une pauvre robe de coton et chaussée d'espadrilles de toile retenues à la cheville par de mauvais cordons. C'est la misère dans ce qu'elle a de plus atroce et de plus douloureux, car elle s'acharne contre un pauvre petit être qui, à peine entré dans la vie, se voit déjà condamné à endurer les pires souffrances. « Tu n'as donc plus de parents, plus de père, plus de mère ?» demande doucement l'apprenti. « Non, monsieur, répond l'enfant en levant sur son protecteur deux grands yeux tristes et doux. « Papa est mort, j'avais encore une maman, maman Mélie, celle qui me gâtait. Oh, je l'aimais bien, elle était si bonne, mais un jour on l'a emmenée à l'hôpital, alors je suis restée avec une autre maman, une maman bien méchante celle-là. Quand je lui disais que j'avais faim, elle me donnait des coups et m'enfermait dans une vilaine pièce toute noire. J'avais beau pleurer, elle ne m'écoutait pas. C'est elle qui m'a laissée ici. Tantôt, elle m'a pris par la main et m'a emmenée en disant « Viens, nous allons retrouver ta mère. » J'étais bien heureuse, moi, en pensant que j'allais revoir maman Mélie, celle qui me gâtait tant et m'embrassait si fort. Mais on m'a conduite ici et je n'ai plus revu personne. » Et tout en parlant, la pauvre petite pleurait à chaudes larmes. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Francis. « Louisette, monsieur. » « Mais le nom de tes parents ?»« Je ne sais pas. Maman, ma vraie, celle qui était si bonne pour moi, je l'appelais Mélie. »« Et où demeurais-tu ? » ?»« Oh, tout là-bas, dans une grande maison où il y a une petite cour toute noire et un affreux homme qui frappe toute la journée sur des morceaux de fer. Il me faisait bien peur, lui aussi, car il me regardait toujours avec de gros yeux. Mais maman Mélie disait qu'il n'était pas méchant. » « Tu ne te rappelles pas le nom de la rue dans laquelle se trouve cette maison ?» L'enfant réfléchit pendant quelques secondes. Son petit front se plissa sous l'effort de la réflexion. Puis elle articula péniblement un nom que Francis ne saisit point. Un moment, il avait songé à reconduire la petite Louisette chez elle, à la confier à des voisines qui n'eussent pas manqué de s'apitoyer sur le sort de la gamine. Mais cela était impossible, puisqu'il ignorait l'adresse de la pauvre abandonnée. « Ma foi, tant pis, » se dit-il. « Je vais l'emmener à la maison. Nous ne sommes pas riches, c'est vrai, mais je ne puis cependant pas laisser cette petite mourir dans la rue. Et puis, c'est une bonne action que je fais là, et il me semble que cela nous portera bonheur à ma mère et à moi. »